Kambal, Kapsue, Titi Kloke, Longbolewo, Dipaple Lake, La Mè Vinweli, La Mè Vexe, La Mè Tombe Pre, La Mè Vingri, Le Pè Pante, Kikiye, Kikiye. C'est ton camarade qui te gagne madame ni. Monsieur remè madame nan pile. Mais monsieur mène ba konti, j'en va koum ta di ou. Pour madame ni babal di kout men, vous comprenez? Parce que moun soit un système de boutan non di j'en penché, yo changé ou. Allez qui le bagne l'autre non? Incapable. Hein? Mais depuis monsieur marié avec madame ni, c'est un bel job. C'est un bel apprêtement la touche. Tout ça que nous avons, c'est tout en paix. Tout ça le possède, c'est tout en paix. Paix cabane, paix matelas, paix frigidaire, paix radio, paix rechaud, paix bonne, paix gérant. Tout ça, c'est possédé, c'est tout en paix. Même si le bonjour, il n'est pas dit à la travail, il est à la caille, il n'a pas baisé. Patron dit, ah, next, ça va pas me traquer. Si je ne vais pas dégager, je vais évoquer monsieur, le travail ne va pas marcher. Le lendemain, c'est descendre à la travail. Paraît qui paraît, patron, fais l'observation. Monsieur fixé, monsieur viré d'eau, il dit le travail là. La caille. Et puis, il dit, chérie, vous connaissez évoquer Marie ou. Fi a dit, a faire évoquer à sa séance. C'est sauter n'importe ça ou apporter n'importe ça. Parce que j'ai une garçon capable de travailler. N'a pas de travail pour parce que j'ai une garçon capable. Oh! Mais ça fait femme dans répondre de ces gens. Mais pas parce que Fia connaît. C'est quand ils font de réserve dans le cas 800 dollars dans le cas là. C'est ça qui fait répondre comme ça. Mais si le bonhomme, c'est pas 15 centimes, il est tout le monde. Qu'on bouteille. Température a changé. C'est pas tape même bagaille. Hein? Oh, il y aurait été là, arrêtez là. Il y a un misé dans le petit fond de réserve, il y a mangé, à manger. Petit fond de réserve, la vie est finie. Et puis, c'est pas un bagaille qui est là, il y a un campé, la brade en haut, la brade en bas. Pour le petit bol d'affaires, pour la rue, c'est good pour le pot de la caille. Oh! Il y a des gars qui ont pas compris le matin. Quel est le papa là qui a mangé? Je ne comprends pas. Nous sommes faits comme ça. Je dis ma chose malhonnête. Au coin de tes comptes, ils font réserve. Réserve a fini par rien, comme fini manger. Via dit pas besoin de connaître. Parce que moi-même, depuis à la télé, comme ta maman, je ne jour sans pas manger. C'est dans mon sel, ma vie subit pas ça. Et maman, je parle de moi. Maman, je dis que Maria Sibyl a dérivé, ça ne va pas le faire. Là où est mon jour. Et sa maman me dit, non, c'est ça. Je dis, ma chère, bon, pas que l'autre problème pour le faire. Étant donné tout le bagage dans la sans paix, nous avons un peu de bagage, nous avons dégagé nous. Après ma travail, je suis un garçon, nous avons il y a dit, pas de vente, pas de vente. Il y aura les pères à vendre, il y aura l'argent passé. Il y aura les pères matelas, il y aura l'argent passé. Il y aura les pères frigidaires, il y aura l'argent passé. Il y a les pères radio, il y aura l'argent passé. L'arrivée même, révoquer pères bonnes, c'est lui-même qui a fait manger la déguilé. Il révoque Père Gérard. C'est lui-même qui a séclé la boule. Ah, tout le bagage n'a qu'à la fin, on ne va rien pour la caille là. Il y a gardé là. Oh, pour l'autre moment, maîtresse qu'elle apparaît, il me demande la jancaille. Pas que c'est quoi la caille là pour payer. Oh, je dis ma boîte caille. Mon vieux caille pour à peine. Ma première vieux caille, quand t'as promené sous moi, ma boîte caille. Les grands petits jours pas sous côté, tu as loué joue pas. Mais depuis que femme dans la caille, elle avec un petit nac. Avec un petit nac bobèche. Mais toute la nuit, fille a passé à dormir. Fille a prié, oh bon Dieu, quand elle est en situation, trouvez-moi. Quand les gens disent, trouvez-moi, même Esther, papa dormi sous nac. Petit nac bobèche, bon moi. Vous savez, maman paraît pour loué, mais elle t'a mis la saladie. Elle t'a parlé, moi. Mais le patron, je suis un peu de non, peu frigide, non. C'est pas dans son nata, maman, la prépète vieux bagages, ça. Oh! Et puis, je l'ai bien sorti. Là, je sorti, papa, je l'ai dégagé dans la rue. Et puis, je suis contre avec mon camarade. Papa, là, dit, je ne sais pas ce qui passé. Je dis, mon chapeau, je ne sais pas, papa, de nos vieux jobs, pas moi, pas mes formes tête, moi, je révoque, moi. Son bien dit, mon cher, maintenant, deux jobs là, papa. Laissez-moi le mettre au nom. Là avec Joe, il mettait Joe dans le travail là. Oh, Joe voulait, Joe vient moi, Joe touche moi. Là, Joe touche moi. Et puis, il allait monter la caille. Là, il veut dire, chérie, mais Joe Marie, oui. Il a viré figure, il n'y a pas répondu, monter, ni descendre. Joe dit, c'est ma route, Joe, oui. C'est ma route, Joe. Nous sommes touchés, nous sommes passés faire provision, mais reste là, j'en prends pas où. C'est alors, puis à lever, il garde Joe, et puis courir l'embrasser Joe, et puis petit bouche, mettre en bouille Joe, la bras, les petits lascars au Joe. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, ils passent une bonne journée. Bonne journée, ils mangent prêt correctement. Oh, 3 mois pas passé. On m'a dit Joe, au compte ça passé. Affaire pour c'est moi-même qui parle de marché, qui a fait provision, qui a pu faire manger. Je ne suis pas encore non. C'est pour capable mon bon. Je dis ma chère, mon malhonnête. Pour moi, venir si après prendre ça toucher. Comprends, il va même assez pour nous vivre dans la là. Pour m'apprêter 5, 6, 7, 8, 9 dollars là dans l'île, mal payé au bon. Un bac est possible. Il a dit, je ne vais pas connaître, c'est pour capable mon bon. Et puis tu as vexé. Je dis mon bon, non, mon bon. Maintenant, j'ai un petit bonjour, un petit bonjour, il coûte. Il est bon. Il est gras. Aïe, aïe, aïe. J'ai un sentiment qui vient dans la plate, il est à l'aise. J'ai envie de remonter. Au moment où il remonte. Par contre, ça passe, maintenant, j'ai envie de sortir. Maintenant, j'ai un petit bonjour. Il dit, allez, non. Même moi, pour le mari, dans pied table, même bien provision, j'ai fait manger. Ma fini. J'ai même ça, j'ai fait, j'ai pris un poste, j'ai la fièvre. Il met ton compresse chico au sol avec l'aide vaporise sous tête. La frère là avait donné le malade, il parle de travail. On va dire t'en dedans. Petit bonhomme même ça le fait trier pour aller maintenant du fait. Il tue pour l'île tremper. La frie pour l'île. Joe même a fait la navette pour cuisiner comme ça, donc petit bonhomme va faire manger. Alors après de la soi-disant, pour l'expliquer petit bonhomme ça pour le faire. Petit bonhomme même intelligente qu'elle est. Bonhomme vient de la frie, il prend un petit soucoupe. Li pronti zizye, li betan sou plal pou del badjo. Dwa di wou. Ma pa augmentation, ma pa augmentation, paske mwen pou fè travay yo. Ti bon nan de bèm siye, ta kontan wip siye. Ay ay ay. Oh, tu ap poule manje ti viande frit, ti viande frit. Non jou madan jo leve la fache veni. Et puis, je suis dans la cuisine. Par contre, ça passe et d'autres, je suis dans le monde, donc ils montent les lits. Ils ne peuvent plus les mettre bon, non. Ils font l'école en bas, l'office là. Et puis, on va faire des bonnes radiographies. Radiographie, radiographie, radiographie. Mais je suis dans un petit garçon, qui est dans un petit bout de chemisette. Il y a des petits cabrettes, non, mais nous, on va avec un petit code là-dedans. Alors, il a viré, on a qu'à la brûler. Aoua, aoua. Ah ouais, et puis j'ai petit tal tombé sous papa, en bas l'office, ça a fait petit bon dans la radiographie. Ou contre Timon, petit tal elle est beau. Mabdi, Mabdi, Mabdi, Mabdi, Mabdi. Pendant ce temps-là, j'ai même besoin petit tal bille sa le sotoué, ni pour ne pas répéter ça le répéter, ni pour petit tal sous un poli, il regarde notre idiot. Ma pache sous le football pour vous, ma peine à jouer dans la résine, ou à venir jouer sélectionné, ou à voyager, ou à faire grand jouet, tout le monde a pour vous. Alors en face, vous êtes capable de piller, bah là, il traverse dans la boutique en face. Là, il achète des petits sachets bonbons. Bon, il chire des bonbons. Et puis, il pourrait nous mettre dans la boutique, Tidio. Tidio m'a pris les bonbons. Niam, niam, niam, niam. Mabdi. Mabdi. Mabdi. Mabdi. Mabdi. Mabdi, pendant ce temps-là, maman vient paraître. Maman dit Tidjo, viens à côté maman ça gagne, viens dit maman, viens dit maman ça passe. Je dis qu'on ça passe, maintenant je m'en bagaille. Ouais Tidjo, si je quitte Tidjo, demeure dans le ensemble avec vous. Tidjo, pas qu'une façon. Petit à ma pète, il dit pas qu'une façon. Une série de bagailles qui passent depuis des mois dans le caille là. Ou après les petits là pour venir dire, pour venir raconter. Ma petite qui pour dans un, dans le tripotaille. Maintenant, je dis, oui, imbécile. Petit là, même qu'un même jazz là. Mabdi. Mabdi. Mabdi. À la fin, je vexé. Je l'ai même vu, non. Vite, dis maman. Dis maman, ça passe à non. On sait que les balles qui passent depuis des mois dans le caïda. Des mois. Vous pensez que vous avez la photo, mais. Dis maman. Dis maman. Tout dis maman. Petit là, dis maman, souhait. Maman, souwe maman, samedi ou ta fait avec quoi c'est l'autre jour, c'est le mouet papa ma fati bon nan. Son cri qui monte à même ma baou.